Il y a quelqu'un dans mon lit, il y a quelqu'un dans ma vie, il y a quelqu'un qui me suit, mais c'est toujours un esprit. Et je pars en Arménie, toujours cette chose qui me suit, à midi comme à minuit, et c'est toujours un esprit. Je rêve pourtant d'une jolie fille qui serait là dans mon lit, qui serait là dans ma vie, mais c'est toujours un esprit. Il y a quelqu'un dans ma vie, il n'y a que des souris, et puis des chats noirs la nuit, du fond des draps de mon lit. Il y a aussi des esprits, mais ça je vous l'ai déjà dit. Je suis Salvador Dali, hippotypose à la jammerie. Je mange du McDo le samedi et en un esprit.